Tout à coup, ô miracle, ô jouissance du philosophe qui vérifie l'excellence de sa théorie, je vis cette antique carcasse se retourner, se redresser avec une énergie que je n'aurais jamais soupçonnée dans une machine si singulièrement détraquée. Et, avec un regard de haine qui me parut de bon augure, le malandrin décrépit se jeta sur moi, me pocha les deux yeux, me cassa quatre dents et, avec la même branche d'arbre, me battit dru comme plâtre. Par mon énergique médication, je lui avais rendu l'orgueil et la vie. Alors, je lui fis force signe pour lui faire comprendre que je considérais la discussion comme finie. Et, me relevant, avec la satisfaction d'un sophiste du portique, je lui dis « Monsieur, vous êtes mon égal. Veuillez me faire l'honneur de partager avec moi ma bourse. Et souvenez-vous, si vous êtes réellement philanthrope, qu'il faut appliquer à tous vos confrères, quand ils vous demanderont l'aumône, la théorie que j'ai eu la douleur d'essayer sur votre dos. » Il m'a bien juré qu'il avait compris ma théorie et qu'il obéirait à mes conseils.